Chapitre 16. Et le grand prêtre dit encore : Rends cette vierge que tu as reçue du temple du Seigneur. Et Joseph répandait beaucoup de larmes. Et le grand prêtre dit : Je vous ferai boire l'eau de la conviction du Seigneur, et votre péché se manifestera à vos yeux. Et, ayant pris l'eau, le grand prêtre en fit boire à Joseph et l'envoya sur les lieux hauts. Et Joseph en revint en pleine santé. Marie en but aussi, et elle alla dans les montagnes, et elle revint sans avoir éprouvé aucun mal. Et tout le peuple fut frappé de surprise, de ce qu'il ne s'était point manifesté en eux de péché. Et le grand prêtre dit : Dieu n'a point manifesté votre péché, et je ne vous condamnerai pas. Et il les renvoya absous. Et Joseph prit Marie, et il la ramena chez lui, plein de joie et glorifiant le Dieu d'Israël.